Hi, this is Lee John of Imagination. Écoutez RLM. Lee John of Imagination, you're listening to Illusion. RLM. RLM, c'est toujours aussi bon. Et il est effectivement 20h, et tant mieux, parce que c'est l'heure de votre émission 120 au compteur, comme tous les mardis soirs de 20h à 22h. Salut, c'est Harry, j'étais pas là pendant 2 semaines, ça m'a manqué, et je suis content d'être avec vous ce soir, et d'autant plus que je suis avec ma bande de copains préférés. Alors je vais commencer évidemment par la plus jolie, la plus talentueuse, la plus souriante, Onissa. Bonsoir Onissa. Allô, comment tu vas? Bah, très bien, alors toi aussi, pareil que t'étais 2 semaines en vacances. Ah ouais, c'était le top de chez top, mais vous m'avez manqué quand même. Ah bah j'espère bien, tu nous raconteras évidemment, donc tu nous as fait une petite escapade du côté de Bergerac. Ah oui. Donc en France, évidemment. Oui, près de Bordeaux. Voilà, donc tu nous en parleras évidemment, parce que Bergerac, que c'est connu de nom, hein. C'est pour le vin d'ailleurs, hein, je pense. Oui, pas que. Hein. Et pour Cyrano, je crois que c'est un rapport avec Cyrano aussi. Non, le foie gras, le canard, le vin. D'accord, bah tu nous raconteras tout ça, tu vas nous donner envie ce soir peut-être de s'acheter du foie gras ou de boire un bon petit verre de vin. Il y en a un qui se bonifie avec le temps, hein, comme le vin, il est avec nous aussi, c'est Sherlock. Oui, bonsoir à tous. Alors comment ça va? Comment tu vas? Ça va et vous? Super. Ouais, plutôt bien. Attends, quand on est sur RLM, évidemment qu'on va bien, puisque c'est toujours aussi bon. Sherlock, ce soir, évidemment, on va te retrouver pour les chroniques ciné. Oui, bien sûr. Donc là, par contre, c'est à 21h30. Alors, 21h pour les chroniques, le ciné rétro. 80. Pas 80, c'est le rétro tout court, bah ouais, oui, évidemment. Tout court. Le ciné rétro, c'est comme tu veux. Oui. Et à 21h30, donc... Bien, donc tu vas nous donner envie d'aller au cinéma dans nos salles obscures, d'autant plus qu'il fait un peu plus frais en ce moment, donc ça va être le moment ou jamais, donc d'aller voir un bon petit film et se réchauffer dans une salle obscure. Oh oui, alors dans un off-site. Alors d'ici la coupure musicale, enfin juste après la coupure musicale, on va avoir le plaisir de recevoir donc une association qui nous tient à cœur, qu'on suit depuis plusieurs années, hein, l'association qui s'intitule Un rêve, une étoile et toutes perles et tout est possible et tout est possible. Bon sang, je le dis tout le temps, et tout est permis, mais donc un rêve, une étoile, et tout est possible. On va recevoir Véro qui va nous parler de l'association, parce que peut-être que vous ne la connaissez pas encore aujourd'hui, mais elle va surtout nous parler donc d'un événement qui aura lieu donc le 12 mai, à 2 pas d'ici, puisque ce sera à la Grange de Moucron, donc un événement qui s'intitule Rêve de musique. Mais je vous en dis pas plus, puisqu'elle nous en parlera, et notamment pour l'événement, on aura aussi l'occasion donc de recevoir l'un des nombreux artistes qui se produira donc lors de ce spectacle. Donc ce sera juste après cette coupure musicale, Sherlock. Oui, avec Whitney Houston et So Emotional. Ah, bon, tiens. Ah, tu connais pas? Bon, si tu le passes, à mon avis, je vais... Oui, bien sûr. Ouais, c'est le titre qui ne dit rien. Voilà. I don't know why I like it. I just do. You sur la fréquence. Premier sur les hits. Premier sur les hits. RLM, tous les jours. Le meilleur des années 80 à nos jours. RLM. RLM. 107.9 FM. Dans l'émission 120 au compteur, évidemment, avec une équipe presque au complet, puisque Canon n'est pas là. Il n'est pas avec nous ce soir hein, pour des raisons professionnelles, donc il ne pouvait vraiment pas faire autrement. Mais on le retrouvera, alors pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Donc on fait des gros bisous, des donc gros poutous. Le 8. Ce sera le 8 mai déjà. Oui. On sera le 8 mai. Oui. Tiens, dites donc, quel événement. Et la semaine prochaine, on sera 1er mai. Ouais, non, mais ça je me doute, oui, si je fais le calcul, et le 1er mai, on aura Stéphache pour c'est le... vrai. La N'oubliez chronique... pas mon Muguet quand même. Je croyais que t'allais me dire, ouais. On aura un gros brin. Pourquoi ? Ah, 1er mai. Bah oui. Ouais. Ah, mais si tu veux, je peux te transmettre le Muguet, hein, y a pas de souci. Hein. Et là, tu me dis, on aura Stéphache. Je me dis, c'est pas sympa pour lui quand même. Oh non. Oui, et c'est vrai que, comme quoi, le temps passe très vite. Donc le 1er mai, on aura Stéphache pour le défi mix qui sera là. Et le 8 mai, Canon viendra nous rejoindre. Il nous racontera effectivement ses aventure professionnelle, parce qu'il fait des choses vachement sympas. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vous en parlerai, je vous parlerai donc de l'Euroquet, puisque j'ai eu l'occasion donc de faire partie du jury, donc l'Euroquet qui a eu lieu donc ce dimanche. Et je vous donnerai aussi des nouvelles des lauréats qui partiront donc en Crète et qui ont gagné donc ce fameux concours. Mais ça, je vous en parlerai juste après, puisque je vous rappelle que ce soir, donc nous recevons Véro. Allô, bonjour Harry. Bonjour Véro, comment est-ce que ça va? Bonjour Anissa, bonjour Charlotte. Bonjour Véro. Bonjour Véro. Ah, alors, elle regarde Charlotte, elle dit bonjour Anissa. Ouais, j'aime bien. Oui, mais ça se voit c'est pas à la radio. On le confond souvent. Alors, évidemment, on s'était vu, on se connaît depuis plusieurs années sur d'autres ondes. Ah. On te retrouve aujourd'hui sur RLM. Alors peut-être qu'il y a encore des personnes qui ne connaissent pas l'association, mais ça m'étonnerait. Mais l'association donc s'intitule Un rêve, une étoile et tout est possible. Bien. Voilà, une association qui existe depuis quelques années maintenant. Depuis 2014. Voilà, ah oui, quand même, 13 ans. Rappelle-nous un peu le 13 principe. 13 ans, non, ça fait 4 ans. 4 ans Oui, depuis 4 ans. C'est la moquette, quoi. C'est bien bonne, là, aujourd'hui. Non, j'avais compris, 2003, je sais pas pourquoi. Mais riez pas, les amis. Oh. C'est bien bonne, là. Mais... C'était l'instant du goût. Bon, voilà. Harry, lui, il est déjà dans le futur. Je sais pas calculer, voilà. voilà. Donc, viendra dans 10 ans. Toi, t'étais pas fort en maths, ouais, à l'école. Pas du tout, pas du tout. Je suis littéraire, monsieur, donc à la base. Mais ça se voit presque. Donc, c'est il y a 4 ans, évidemment. Donc un rêve, une étoile et tout est possible. Rappelle-nous un peu la vocation de l'association. Ben, c'est une association en fait qui vient en aide aux enfants défavorisés et aux enfants malades. Donc on a pour but de les faire rêver en faisant des sorties. Donc on a fait Disney, on a fait Paradise, on fait des concerts là pour cette année-ci, c'est concert, Astérix, enfin il y a plein de choses prévues. Concert, c'est-à-dire que tu emmènes aussi les enfants à voilà, des concerts, comme qui par exemple? Ici on va voir Oshi le 22, donc on est VIP. Production d'Oshi, merci. Oshi, c'est une jeune fille. Oshi, c'est une jeune chanteuse qui a 20 ans. Elle a pas fait The Voice en France. Qui chante super bien, qui est de la même trempe un peu que Claudio Capello, enfin c'est la même production. Ah oui. Et si vous voulez taper Oshi sur Facebook, sur YouTube, là, son disque cartonne. Ouais. C'est H-O-S-H-I. Ouais, c'est ça. S-H-I. D'accord, je connaissais pas. Ah non, moi non plus. Donc ça, de toute façon, sa chanson, je chante faux, hein, je préviens, c'est je ne sais pas comment je vais faire. Bon, je sais pas si vous avez déjà entendu cette chanson. Non, mais je confirme, tu chantes faux. Donc singing studio, c'est pas pour moi. Enfin bref, j'ai essayé, hein, j'ai fait la promo Oshi, excuse-moi, pardon. Et donc voilà, donc la production Eoshi, donc nous invite à Lille. Ah bien. Entre deux, donc super. Le 22 mai pour aller voir le concert d'Oshi avec des ados, puisque c'est plus pour les ados. Ouais. Et on va la voir en répète. On peut la voir au concert et après on va aussi. Ah, c'est géant, c'est sympa. Voilà, c'est sympa. Donc on a Amir qui est sur le feu aussi. Amir. On a tous un jour, je dirais. Et je crois qu'on en a un nous prend, franchement, je crois qu'on en a un. Et puis, depuis le temps qu'on se connaît, je crois qu'on doit en avoir un, c'est pas possible. Et donc, Astérix aussi qui est prévu. Donc, Il chante quoi lui? Non, en tout cas c'est bien parce que c'est une association qui vit en sachant que, on peut le dire très rapidement, il y a eu des moments un peu plus difficiles que d'autres. Non, ça on peut pas, on peut fouiller. Tout de même, on peut le dire. On va pas s'étendre sur le sujet, mais il y a eu des moments difficiles, notamment en termes de subventions et puis d'organisation d'événements, qui n'est pas simple quand même. Mais parlons plutôt de cet événement qui aura lieu donc le 12 mai 2018, donc dès 19h. À la salle de la Grange. On en parlera juste après la coupure musicale. Oui, avec Paul Hardcastle et Yves Mourouzi pour 19. Ah ouais, bah ouais, les 19. C'est 19 en français. Ça marche. Mais si. En 1965, la guerre du Vietnam ressemblait à n'importe quelle autre guerre, mais n'avait rien à voir. Elle était différente, pour bien des raisons, et les combattants aussi étaient différents. En 39-45, l'âge moyen des soldats était de 26 ans. Au Vietnam, ils en avaient 19. Au Vietnam, ils en avaient 19. Au Vietnam, ils en avaient 19. Au Vietnam, ils en avaient 19. Les plus durs combats des deux dernières semaines se poursuivent en ce moment à 40 km de Saigon. 19. Les combattants, en principe, étaient relevés tous les ans, mais devaient subir, presque chaque jour, l'épreuve du feu. Aujourd'hui que plus de 700 ennemis ont été tués la semaine dernière le long de la zone frontière. Dans l'ensemble du Sud-Vietnam, l'ennemi a perdu au total 2689 soldats. Américaine, plus de la moitié des anciens combattants souffrent de ce que les psychiatres appellent des troubles consécutifs à un choc dramatique. Beaucoup se plaignent de cauchemars, de traumatismes, mais certains succombent à des idées suicidaires. 8 à 10 ans après leur retour, près de 800 000 hommes ont encore le Vietnam dans la tête. Fut reçu comme un héros. Aucun d'eux. Sur les hits RLM 107.9 FM. Évidemment, donc 120 au compteur, vous l'avez compris, on est là depuis près de deux mois maintenant, un mois et demi, quand on a pris l'antenne de RLM. C'est faire avec les chiffres, toi. Hein ? Quoi ? Aujourd'hui, il n'est pas net, hein, je sais pas. Mais si, on est arrivé ici, je peux même vous le dire, on est arrivé ici le 22 février. Oui, c'est ça. Le 20 février. C'est ça. Jusqu'au bout, t'en fous. Le 20 février, voilà, absolument. Mais arrêtez de rire, ça vous arrive pas quand même, de temps en temps, de faire des erreurs. Non. Comme toi, non. Bon, d'accord. Eh ben, si, écoute... d'en faire une, mais là, trop d'affilée quand même. Ouais, exagère pas non plus. Alors, je rappelle que nous sommes donc avec l'association Un Rêve, Une Étoile et Tout est Possible. Voilà, nous sommes en compagnie donc de Véronique, Véro pour les plus intimes. Alors, Véro qu'on connaît évidemment, donc, et on a parlé tout à l'heure rapidement donc de la vocation de l'association, mais parlons justement de ce spectacle qui s'appelle Rêve de Musique et qui aura lieu donc le 12 mai 2018, donc dès 19h à la Grange de Boucheron. C'est un concert dans lequel... Voilà, c'est un repas concert en fait, et dans lequel vous trouverez la prestation de notre marraine, Mélanie Bonfito, qui est présente là sur... Qui est dans nos studios et qu'on écoutera d'ici quelques minutes, bien évidemment. Qui est un petit bout de femme adorable et qui a un talent immense. Comme son cœur, franchement, sérieux. Venez l'écouter. Alors Fabrizio, ça tout le monde connaît. Ah, évidemment, Fabrizio Zeva, qu'on avait reçu aussi dans une vie antérieure. Quelqu'un que j'ai découvert grâce à un peu à Mélanie, parce qu'elle chante des fois avec lui, tout ça. Je ne connaissais pas et que je trouve extraordinaire, c'est Bruno Djaran. Bruno Djaran, d'accord. Alors on connaît peut-être un peu moins Bruno Djaran, c'est quel style de musique C'est un peu tout, je ne peux pas trop. Populaire. Voilà, populaire. Voilà, c'est populaire. Et alors en plus il joue de la trompette, mais bien. Et c'est quelqu'un d'adorable. Et voilà, quoi, c'est quelqu'un d'humain. Et en fait, on a tellement fait de choses avec des gens pas humains que maintenant on ne prend plus que des gens humain. Ouais. Et c'est bien mieux. Et on terra les noms. Et on terra les noms. D'accord. Et voilà. Mais voilà, donc c'est vrai que voilà, là on a Mélanie qui assure bien le spectacle, qui fait plein de choses. Pour l'association qui en parle, ouais, non, c'est vrai, c'est une bonne marraine pour notre association. De toute façon, on va la recevoir hein, d'ici quelques minutes. Et donc vous aurez l'occasion d'avoir un repas. Ouais. Donc un buffet froid et les trois artistes qui vont se succéder. Dans quel ordre ça, je ne sais pas encore. On va les mélanger. Mais voilà. Alors, il faut peut-être parler, donc effectivement c'est un buffet froid, les conditions. Alors les tarifs, c'est 25€ le spectacle et le repas pour les adultes, 12€ pour les enfants de moins de 12 ans, et puis si c'est que le spectacle, c'est 15€ pour le spectacle seul. D'accord. Ah ouais, donc... Comment fait-on pour réserver? Il existe un site, un numéro de téléphone? Ouais, pour réserver, donc il y a la page Facebook de l'ASBL, donc vous tapez sur Facebook Un Rêve, Une Étoile, et vous avez toutes les coordonnées. Et sinon, il y a un numéro de téléphone qui est le 0497 85 24. De toute façon, ces informations-là, on les a partagées sur la page 120 au compteur. Vous les retrouvez, hein, donc le numéro de téléphone et également les liens pour réserver. Donc ça se passe le 12 mai donc 2018. Il y a trois artistes, hein, donc il y aura Mélanie Bonfito, il y aura Fabrizio Zeva évidemment, et Bruno Djaran. On va recevoir d'ici quelques instants Mélanie Bonfito. Alors pour la petite information, moi je suis tombé sur elle par hasard. Sûrement, elle n'a pas fait mal quand même. Non, je n'ai pas fait mal. Sur mon Facebook. Sur ton Facebook, c'est vrai en plus. Et c'est vrai, avec une vidéo alors d'une interprétation de Olivia Newton-John. Alors le titre, j'ai un peu l'écorché, mais tant pis. Mais je pense que vous le connaissez. Hopelessly Devoted to You. Hein, si je ne me trompe pas. Hopelessly Devoted to You. Et magnifique. Ouais. Et sincèrement, alors je ne connais que cette chanson-là reprise par Mélanie Bonfito, mais déjà allez voir cette vidéo, vous allez voir, c'est bluffant, et vous la retrouverez donc le 12 mai donc 2018. Et on va la retrouver d'ici quelques minutes, juste après cette juste coupure après musicale. Cool and the Gang, Let's Go Dancing. Yeah. Ouh là là là, c'est ça. Let's go dancing. everything will be fine. Hey baby, what's your name? Is it a Mrs. or is it Miss Anne? If you smile yourself, I'd like to take you for a ride. We can check the scene and we can reggae down, and we'll be singing. C'est sur RLM. RLM. Oui, donc, eh bien, avant toute chose, avant de continuer le fil de l'émission, je sais qu'il y a des gens qui n'arrivent pas encore à nous capter sur le 107.9. Alors, je vous donne un petit indice quand même. Si vous allez sur la page officielle Facebook de RLM, vous allez retrouver de quoi écouter l'émission via Internet, je vous le dis. Ou alors, il faut vraiment bien régler, parce que le 107.9, en général, ça passe. Mais je sais pas, il y a peut-être des moments où par rapport au climat, peut-être des fois ça passe un peu moins bien. J'en sais rien, moi j'ai eu le cas dans la voiture d'une collègue. Ouais. Elle mettait RLM et ça rebasculait sur une autre radio. Ouais, tu vois, moi j'ai ce problème sans arrêt. Ouais, et tout le temps. Ça arrive de temps en temps. Ça arrive de temps en temps, mais c'est... voilà, Radio Monte Carlo, on nous dit. Dans non, non, pas vraiment. C'est vrai, ah, c'est vrai en plus. Non, là, on bascule là, sur Radio Monte Carlo. Non, là, c'était une autre radio, c'était France Bleu Nord. Mais je ah sais bon, pas d'accord. Pourquoi. Bon, bah écoute, je sais pas, peut-être qu'on est proche au niveau des fréquences, pas qui m'étonnerait. Bah non. Monte Carlo, ça saurait quand même. Si on était proche de Monte Carlo. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais par contre, Radio, tout ce qui est du groupe Radio France, je sais pas pourquoi. Enfin, bref. Mais en tout cas, n'hésitez pas surtout à passer par la page Facebook et aussi à mettre vos commentaires sur notre page officielle de 120 compteurs, ça nous fera plaisir et ça fera aussi d'autant plus plaisir à l'association qui est avec nous. Donc un rêve, une étoile et tout est possible, puisque le 12 mai donc 2018, à partir de 19h, il va y avoir donc un repas concert dans lequel il y aura trois artistes. Il y aura Bruno Djaran, Fabrizio Zeva et je garde le meilleur pour la fin, puisque c'est Mélanie Bonfito qui est avec nous ce soir, qui nous fait le plaisir de sa venue. Bonsoir Harry, bonsoir Onissa. Bonsoir Mélanie. Bonsoir. Et alors attention, le 3e, bonsoir. Sherlock. Ah ouais. Que c'est original. Ouais, oui. Alors souvent les gens m'appellent Charlotte. Oui, oui, c'est vrai. Moi, c'est ouais. Charlotte, ouais. Ouais, absolument. Mais quand on le voit, on n'a plus envie de l'appeler Charlotte. Au chocolat. Au chocolat. Alors Mélanie, qui fait partie donc de la distribution, donc des nombreux chanteurs qui seront lors du spectacle Rêve de musique. Alors Mélanie, c'est la marraine aussi. C'est la marraine aussi de l'association. Ça date pas d'hier, quand même, parce que tu foules la scène depuis plusieurs années maintenant. À vrai dire, 4 ans. D'accord, bah c'est déjà pas mal. Voilà, c'est on va dire mal. 4 ans. Ouais, mais souvent, Véro nous en parlait. Elle disait, Mélanie, oui, il faut Mélanie, la rencontrer. Mélanie. Effectivement, ah, oui, intéressez-vous oui. à Mélanie, parce qu'elle chante super bien. Et c'est vrai, je confirme. Tu fais des reprises, des compos Ouais, en fait, ce sont des covers. J'aime bien interpréter tout ce qui est cover. Mais il y a quand même un single qui était sorti il y a quelques mois. Ouais. Le Do You Want My Love, ça a été... voilà, c'est un petit single qu'on a sorti, c'est comme ça. D'accord. Ouais, comme ça. Alors, quand tu fais des reprises... quelles sont tes inspirations? Il y a des artistes que tu reprends plutôt que d'autres? Oui, effectivement, j'aime bien tout ce qui est anciennes chansons. Ouais. mais j'aime bien aussi tout ce qui est actuel. D'accord, c'est tout, vraiment en fait. Très très varié, ça peut aller de 1960 à 2018 quoi. Voilà. D'accord, bon, comme aujourd'hui, ouais, donc c'est cool, très, très éclectique comme dirait l'autre. Oui, c'est ça. Et donc là on aura la primeur un peu de la setlist qui aura lieu le 12 mai. Il y aura vraiment vraiment de tout. Je vais vraiment vous amener en 1960 et revenir sur l'année 2018, ça c'est sûr. Sympa. Ah, cool. Alors on pose toujours la même question. On avait posé la question la dernière fois qu'on s'était vu. Alors il y aura Bruno Djaran, il y aura aussi Fabrizio Zeva, il y aura Mélanie Bonfito qui est avec nous ce soir. Est-ce qu'on peut espérer un duo, un trio? Est-ce que c'est envisageable ou pas? Oui, c'est fort possible. Oui, c'est bien possible, oui. Ouais, je le sens bien. Il y a deux Italiens, il y a Mélanie qui chante souvent aussi, Bruno, donc on pourrait peut-être avoir des surprises, peut-être. Ah ouais, mais complètement, complètement. D'ailleurs, au passage, c'est vrai que Fabrizio Zeva devait être avec nous ce soir. Oui, on lui fait des gros bisous. Gros bisous, Fabrizio. Parce que il est malade, il a chopé la crève et voilà, donc il est un petit peu un faune. Et donc, il était désolé de ne pas savoir venir aujourd'hui, donc il vous a... Priez de vous embrasser tous très fort. Et il nous écoute. Hein, et il vous écoute. On t'embrasse. On l'embrasse très fort. Tout à l'heure, il nous écoute. Et je crois qu'il va se mettre à la trompette très prochainement. Parce qu'il a entendu que Bruno jouait de la trompette. Yes. Ça l'a inspiré. Ouais, je pense qu'il va essayer de se mettre à la trompette. Quelle idée. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir peut-être la primeur d'un titre? Puisque justement, j'ai vu un titre de Mélanie Bonfito passer entre tes mains. Oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'on pourrait le passer, ce titre? Ce serait peut-être une bonne idée. Est-ce que c'est la compo? Oui. C'est la compo, oui, bah c'est ça, dont le titre est Do You Want My Love. Et qui l'a écrit, c'est toi? Non, pas du tout. Moi, je suis simplement interprète. D'accord. Eh bien, on va découvrir ça. Mélanie Bonfito, ça va vous donner peut-être, et certainement, en fait, un avant-goût de ce que vous pourrez voir sur scène en direct, je le rappelle. Hein. Donc, le 12 mai 2018, dès 19h, à la salle de la Grange à Boucron. Allez, c'est parti. Yeah. Hier. Yeah. Eh ben j'aime bien moi. C'était pas sur énergie, Seigneur. Hier. Yeah. Qu'est-ce que ça peut faire? Je sais pas. Chaque. Touch me, tell me now, if you love me too, baby. premier sur les hits, RLM, 107.9 FM. Et oui, donc toujours dans l'émission 120 au compteur, maintenant vous commencez à la connaître, comme tous les mardis soirs de 20h à 22h avec Onissa. Hello. Notre grand sourire à 50 dedans à nous. Mais 50 oui, dedans, j'ai dit, 50 ouais, dedans. C'est sûr, je pensais que t'allais dire autre chose. Non, à 50 dedans, avec notre monsieur cinéma et surtout régisseur, il faut le dire au passage, Sherlock. Ouais, oui, sûr. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et nous sommes donc également avec une Harry. Partie, oui, moi je suis là évidemment, mais une partie donc de l'association, donc Un rêve, une étoile et tout. T'es possible. Yeah. Donc qui organise le 12 mai donc à partir de 19h à la salle de la Grange donc à Mouron donc un repas spectacle où il va y avoir donc Fabrizio Zeva, Bruno Jaran. Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est Jaran. Jaran, voilà. Et Mélanie Bonfito. C'est avec nous, c'est évidemment. Perfecto. Alors, on vient d'entendre un petit titre. Donc, rappelle-nous le titre. Do You Want My Love. Do You Want My Love. Alors, c'est un titre qui est un peu différent par rapport à ce que tu as l'habitude de faire, hein, puisque tu nous disais 60 jusqu'à voilà, aujourd'hui. Ouais. Un titre qu'on va pouvoir retrouver justement lors du spectacle Rêve de musique. Oui, c'est fort possible. Ouais. Ouais, c'est bien, ah, ça, oui, un titre dansant. Ouais. Alors, avant de revenir vers vous, effectivement, moi je voudrais revenir sur un événement que j'ai vécu ce week-end. Et Dom nous en avait parlé largement, puisqu'en fait c'est l'un des organisateurs. Qui ça? Donc, Canon. Ah, d'accord. Canon. Ouais, mais dans l'intimité, je l'appelle Dom, tu vois. C'est mon petit Dom à moi. Oula, un petit Dom au chocolat. Canon qui vous en avait parlé évidemment donc de le roquet qui est ni plus ni moins que le championnat donc d'Europe de karaoké. Ça s'est fait en quatre phases, hein. Il y a eu trois soirées de sélection et la finale. J'ai eu le plaisir de faire partie du jury et vraiment j'ai eu de très très très belles surprises. Alors clairement chanter du karaoké est une chose, mais pour le concours de karaoké européen, faut tenir la scène et il faut vraiment savoir chanter. Je peux chanter. Pas y aller moi par exemple. En fait c'est je dirais que tu peux aller voir. Ouais, tu peux aller voir. Voilà, je dirais que le karaoké est une chose. Malheureusement, c'est pas juste se contenter de lire du texte et de chanter la chanson et bien la chanter. Il faut l'interpréter, il faut la vivre, il faut la faire partager son émotion avec le public. Il faut une présence sur scène. Donc c'est vrai que c'est quand même assez chaud comme concours. Et ceci dit, bon bah cette année, ceux qui ont eu donc l'occasion de gagner la finale, c'est une demoiselle et un monsieur, une demoiselle qui s'appelle Kaina et qu'on aura l'occasion de recevoir dans les studios, bien évidemment, qui a une voix aussi merveilleuse, dans la même lignée que Mélanie, hein, d'ailleurs. Il y avait aussi également donc alors vous le connaissez peut-être, Richard Alexandre qui est assez connu aussi et qui tourne pas mal dans la région. Il a un petit peu le grain de voix de Tom Jones et il nous a interprété partie de mon écurie, c'est Promo et Spectacle Enzo également. Richard Alexandre, oui. C'est peut-être pour ça que je l'ai vu alors. Voilà, et Richard Alexandre qui a un petit grain de voix à la Tom Jones. Tout à fait. Voilà, et à la Christian de la Grange aussi également. Oui, voilà. Oui. Ah alors c'est peut-être lui qui m'en avait parlé. Et donc ils ont gagné, ce sont les grands gagnants donc du karaoké, donc du championnat de karaoké donc européen. Donc là ils vont partir au mois de mai, là, d'ici quelques semaines en Crète, pour disputer de la finale. Voilà. Et ensuite il y aura les championnats du monde. Icing, et là ça risque d'être aussi un niveau très très élevé. C'était pour vous dire qu'effectivement j'ai vécu une très très bonne expérience, pleine d'émotions, même si effectivement vous le savez, moi la qualité vocale c'est pas forcément mon truc. Moi j'étais là plus pour, ouais, pour la scène aussi. La scène, voilà, comment ils occupaient la scène, comment ils pouvaient tout simplement captiver le public et puis faire partager leurs émotions. Ouais. Les gestes aussi sont très importants quand on chante une chanson. Et là pour le coup effectivement Kaina et Richard Alexandre savent y faire, ils font de la scène, ça se voit. Et félicitations à eux. Et on aura l'occasion donc de recevoir Richard Alexandre dans les studios et ouais, Kaina. Voilà, très certainement quand Canon reviendra, puisqu'il pourra aussi en parler un peu plus, hein, puisque c'est lui qui a organisé l'événement. Et donc tu me disais que tu connaissais Richard Alexandre. Oui. Donc parce que vous faites partie de la même boîte de prod. Ça nous arrive de faire des mêmes podiums, oui. Ah ouais, oh, carrément. Géant, ouais. Alors il m'a l'air fort sympathique ce monsieur. Il l'est. D'accord. Et vous avez fait des duos ensemble peut-être? Oui, mais comme ça. D'accord. Pour le fun, ouais. Pour le fun, voilà. D'accord. Bah, j'aurais dû lui en parler, tiens. On devait lui dire qu'on te recevait ce soir à la radio et peut-être qu'il m'aurait dit oh là. Qui sait? On ne sait jamais. Alors, une question avant de se faire une coupure musicale, puisqu'effectivement, donc, toi, tu es la marraine donc, de l'association Un rêve, une étoile et tout est possible. Comment devient-on justement la marraine donc, de cette association et pourquoi? Bah écoutez, moi ça a été demandé très gentiment et j'ai dit oui avec plaisir. Voilà, ça s'est fait de bon cœur. Et on a toujours eu un très bon feeling et voilà, c'est parti quoi. D'accord. Et je pense que j'imagine aussi que un peu la vocation de l'association te touche énormément. Ah, énormément. Je suis quelqu'un de très sensible et voilà quoi. C'est... Oui, effectivement, ça, les enfants, enfin, ça me touche énormément. Je suis quelqu'un de vraiment avec d'ailleurs, un petit cœur. Et... D'ailleurs, le 17 décembre, lors de notre événement, Mélanie était là aussi. Avec Fabrizio, et ils avaient ramené tous les deux, comme quoi ils n'aiment pas les enfants, ils avaient ramené tous les deux des bonbons, des trucs, enfin, plein pour les gosses. Des trucs à... Tous sympa. Les enfants, c'est non, sympa. Franchement. C'est une chouette marraine. C'est une chouette marraine. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on se fait une petite coupure musicale. Moi, ce que je vous propose, si toi tu es prêt, oui. L'année dernière, pour le concours donc européen de karaoké, le gagnant masculin, c'était Grégory François. Il fait peut-être partie de ton écurie aussi, je ne sais pas, on ne sait jamais. Sacré écurie, alors. Grégory François, qui est un personnage aussi également. Et là, je vous propose d'écouter une version qui est assez surprenante, mais que j'aime beaucoup, de Cry Me a River. Alors ça, par contre, c'est la version qui a été reprise par Bublé, Michael Bublé. Donc, tout à fait différente, mais qui, ma foi, vaut aussi le détour. Donc, c'est Grégory François qu'on recevra aussi dans les studios avec Cry Me a River. Cry the whole night through. Well, you can cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. River. la musique que vous aimez, c'est sur RLM. Alors l'une des reprises de Grégory François, hein, Cry Me River, donc version beublée. Donc Grégory François, hein, je vous le rappelle, qui a gagné donc le championnat européen de karaoké donc en 2017 l'année dernière. Donc j'avais à cœur de vous le passer ce soir et puis parce que je sais qu'il viendra aussi dans nos studios. Comment vous l'avez trouvé cette version? Moi bon, j'ai bien aimé. C'était moi. Bien. Véro, vous n'avez pas l'air emballé. Ah ben non mais tu peux, bien sûr. J'ai pas trop aimé mais bon après chaque. Ah ben il y a des interprétations évidemment. Ah, je préfère. La... Bah après c'est parce que j'ai entendu la version de Michael Bublé. Voilà donc, c'est ça. Je crois qu'on J'ai déjà comme référence Michael Bublé donc forcément. On a ça dans l'oreille donc forcément. On se dit bah c'est pas aussi bien que Michael Bublé mais leur frustration n'est peut-être pas non plus la même donc c'est peut-être ça qui joue aussi. Hein. Ouais alors maintenant encore une fois je vais en parler avec Mélanie hein, Mélanie Bonfito qui est avec nous ce soir. C'est qu'il y a quand même une différence entre ce qu'on peut avoir sur une galette, sur un CD, et quand on voit en live un CD, c'est figé. Ah ouais, là, et en live, c'est un tout. D'accord avec toi, Ryan. Voilà, ben oui, on est d'accord. Et d'ailleurs, je pense que tu nous as donné d'autres titres, Mélanie, non? Ou je rêve? Oui, non, il y en a quelques-unes. Ouais, des reprises? Oui, ils sont des covers. Voilà, alors, si aujourd'hui on devait te dire, il y a vraiment un groupe que j'affectionne plus qu'un autre, ce serait lequel? Que tu voudrais que je commence à proposer pour mon public? Non, ou celui que j'ai toi, déjà. Oui, que tu as déjà, que aujourd'hui. Déjà. Ouais. Tina Arena. Tina Arena. Ah ouais. Ah ouais, avec quel genre de titre, par exemple? Ici, le 12 d'année qu'elle vient de sortir, Le Temps que tu es là. Ah, je connais pas du tout. Est-ce qu'on a là? Et bon, on va elle s'écouter super ça. Belle. De Mélanie Bonfito. Donc, rappelle-moi le titre. Tant que tu es là. Allez, tant que tu es là, c'est vrai? Tina Arena, oui, belle. Mais moi, j'aime la chanson. Qui est australienne, quand même, à l'origine, c'est ça, non? Ouais, ouais. Et qui chante en français avec elle une... Elle est italienne. Elle est italienne oui. Elle a un drôle d'accent quand même. Ah, elle vient d'Australie, elle, on dit. Elle habite en Australie, mais elle est italienne. Ah, parce qu'elle a un accent quand même. Hein. Mais c'est vrai qu'elle fait passer des émotions quand elle chante. Elle ah oui, ça. Eh ben, on va s'écouter ça. C'est tout une suite, référence. Alors version Mélanie Bonfito. Oui. Ne nous appelez pas en disant « Ah, Tina Arena, super !» Non, c'est super, c'est Mélanie Bonfito. Voilà, donc c'est « Tant que tu es là ». Parce que tu es la vie, parce que tu es l'envie, la force dans mes bras, le soleil devant moi, parce que tu es la grève, le jour qui se lève, le vent dans mes cheveux, la lumière dans mes yeux, demain tout peut disparaître. Demain, tu ferais tout renaître. Tant que tu es là, le monde tournera comme tournent les heures, les manèges de mon cœur. Tant que tu es là, le monde tournera. Tu dessines le bonheur. Que tu es l'espace et le temps qui passe, comme l'oiseau qui se pose, comme le parfum des roses. Parce que tu es l'ailleurs, le bon, le meilleur, la beauté du silence, comme une page blanche. Demain, tout peut disparaître. Demain, tu ferais tout renaître. Tant que tu es là, le monde tournera comme tournent les heures, les manèges de mon cœur. Tant que tu es là, le monde tournera. Tu dessines le bonheur. De poussière. tu es là. Dernière sur la fréquence, premier sur les hits, premier sur les hits, RLM tous les jours, le meilleur des années 80 à nos jours. RLM, RLM, 107.9 FM. Alors tant que tu es là, donc c'est un, à l'origine c'est un titre de Tina Arena et là c'est Mélanie Bonfito qui nous l'interprète. Ça nous réconcilie avec Tina Arena parce que honnêtement, mais non j'ai pas dit que j'ai fait pas, mais ah on ouais, dit ça tout de suite. Ah ouais, alors là, non, le regard revolver, hein. Non du tout. C'est ce que je suis en train de dire, c'est effectivement ça faisait longtemps que j'avais pas entendu Tina Arena et en écoutant la chanson, je me serais jamais imaginé que c'était Tina Arena. Maintenant, et c'est ce que je disais, et j'en parlais aussi hors antenne avec Mélanie, c'est que, et ça c'est le propre des artistes qui font des reprises malheureusement, c'est que parfois quand vous faites des reprises, et même très souvent, elles sont très bonnes, et ça donne envie justement d'aller voir le vrai. Voilà. Oui, pour et avoir oui. un comparatif, c'est et, bon. Et là vous faites de la promo pour le vrai. Alors ça j'ai jamais compris, vraiment, et je trouve ça dommage. Non, pas du tout. Ah, moi, je quand même. Mais non, faut pas prendre ça comme ça, au contraire. Nous on prend plaisir à faire partager au public et quelque part bah, c'est peut-être une promotion pour l'artiste par lui-même. Mais c'est sûr. Par exemple, j'ai envie d'aller écouter la version Tina Arena pour voir un peu ce qu'il en est. Eh bien ça me fait plaisir d'entendre ça, sincèrement. Ah bah écoute. Vraiment, oui, c'est qu'elle a réussi, ouais. Sa colère. Voilà, sinon tu le ferais pas. Exactement. C'est vrai. Mais je pense même que tu chantes presque quand même un peu mieux que Tina Arena. Oh là là, oh là quel non. compliment. Harry a besoin de me demander quelque chose. Absolument pas. Qu'est-ce que tu fais demain soir? C'est ça, ça. Non mais absolument pas, non mais je le pense vraiment, ça vient du cœur, hein, vraiment. Merci. Tina Arena, je trouve que ouais, peut-être qu'elle le chante, mais d'une autre façon, moi, peut-être. Plus maniérée peut-être, ouais. Ouais avec un accent. Elle a l'accent déjà. Bah, elle a son accent, si tu veux, elle va pas. Elle peut pas le gommer. Non mais bien sûr. Là c'est plus. Allez, plus sincère on dirait. Hmm. Peut-être pour ça que t'as l'air mieux. Alors. Moi, est-ce que... Alors là, je vais passer du coq à l'âne. Non, pas du coq à l'âne. Non, non, je vais pas la faire, celle-là. Je la ferai pas, celle-là, mais... Je vais passer du coq à l'âne. Bon, les années 80, les années 90, ça te parle, évidemment, puisque tu me disais que tu couvrais les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Si je te parle de East 17, ça te parle ou pas? Oui, mais je ne pourrais plus te dire exactement le titre des chansons qui s'est passé, mais... Ouais. Si, je vais l'écouter, je vais te dire oui, effectivement. Ah mais c'est certainement. Sherlock, East 17, ça te parle? Oui, bien sûr. Alors vas-y, donne-moi quelques titres, toi qui es fan. Bah, It's Alright, forcément. Ouais. C'est l'une des plus connues. Ouais. Alors est-ce qu'on pouvait dire que c'était un groupe de rap à l'époque ou je sais pas, mais. Boys band américain. C'était un boys band, voilà, ouais. Un boys band. Il y avait House of Love. Everybody in the house of love. Everybody in the house of love. One love, one die. Everybody in the house of love. Yeah, ouais, Sherlock. Ouais, mais Chandler. Ah ouais, mais il a une culture boys band. Ouais, vas-y, ouais, vas-y, tu peux dire. Blague à part. Non, après, je saurais plus. Alors, tu peux deux bonnes nouvelles. Vas-y. Donc, la première, il se reforme. Oui. Alors normalement tu dois faire Yahoo. On attendait ta réaction. La première nouvelle c'est qu'ils se reforme. Voilà. Et deuxième nouvelle, ils seront à Étampuis. Allez. Ah oui. Au début du mois d'octobre. Absolument. Donc au château d'Étampuis. Ouais. Ils vont venir faire un concert. Château d'Étambourg, non? D'Étambourg. Ouais. Vous avez vu le château d'Étampuis? Il y en a pas. Hein. Non. Château d'Étambourg à Étampuis. C'est dans mon coin alors. Je sais pas. C'est quoi la différence? Château d'Étambourg à Étampuis. À Étampuis, c'est ça. Étambourg. Pour le château, il y a un lapin là à l'entrée. C'est. Oui, mais je sais où c'est. Château d'Étambourg. C'est ça. Ok. Moi, je suis pas belge. Excusez-moi, mais donc au château d'Étambourg, effectivement. C'est la première semaine d'octobre. J'ai plus la date en tête exacte. Je sais pas si c'est le 5 ou le 6, mais en tout cas c'est le premier week-end d'octobre, et eh bien East 17 viendra se produire en concert. Ouais, cool. Okay. Voilà, donc pour les nostalgiques des années 90, bah, y a de quoi se faire plaisir. Je pense que ça peut être un événement qui marche bien. D'autant plus que ça part dans une sorte de phénomène. Je sais pas si vous avez vu, mais les boys bands se reforment. On crée un ersatz de boys band avec un petit coup d'alliage, un petit coup de ceci. Je sais pas si vous avez vu là en ce moment. Oui, j'ai vu, ouais. Voilà. C'est alors il y a, je pense, Franck des To Be Free. Ouais. Il y a Alan Théo. C'est ça, Alan Théo. Ouais. Et puis le dernier, c'est celui des G-Squad. Les G-Squad. Ouais. C'est pas Gérald, c'est l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Celui qui avait une grosse mèche. J'ai jamais été très fan, mais mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression que ça revient à la mode, et d'autant plus que bah, vous aurez East 17, donc à Étampis. Donc regardez bien sur Facebook, vous tapez sur internet East 17. Et ben, on va se l'écouter tout de suite, East 17 avec House of Love, justement. Ah bah, yeah, allez, c'est parti. sur la fréquence. Premier sur les hits. Premier sur les hits. RLM, tous les jours. Le meilleur des années 80 à nos jours. RLM. RLM. 107.9 FM. Et oui, donc vous êtes toujours sur RLM, sur le 107.9, et c'est 120 au compteur. Et donc on est toujours avec l'ASBL, donc un rêve, une étoile et tout est possible, qui sont venus donc pour nous présenter leur événement Rêve de musique, donc avec les chanteurs Bruno Jaran, Mélanie Bonfito et Fabrizio Zeva. Donc ça se déroulera le 12 mai 2018, pardon. Ah bah voilà, ouais, tu marques les trucs. Ah bah tac, on a l'équipe de chance. Allez hop là. Le 12 mai 2018, donc c'est dès 19h, c'est à la salle de la Grange à Moucron. C'est un repas spectacle, ce sera donc des chansons des années 60 à nos jours. Et en parlant des années 60, je vais vous parler d'un film qui n'est pas du tout des années 60, donc ça n'a rien à voir, mais c'est juste que je vais revenir sur un film qui s'est passé, alors je vais vous dire exactement, c'était en 85. En 85, oh. Alors rappelle le principe pour Mélanie, oui, qui ne connaît peut-être pas. Effectivement, donc là je vais vous faire une petite chronique qui s'appelle le Rétrociné. Donc je vais essayer de vous faire deviner un film qui est donc passé, que j'ai regardé moi cette semaine, que je vais essayer de vous faire deviner par des extraits, donc soit des extraits musicaux, soit des extraits de dialogue du film. Sherlock, tu l'as regardé sur la télévision ou alors sur vidéo quand... Sur vidéo, bien sûr. Sur vidéo, ouais, d'accord. Fracasse pas, moi je trouve jamais. Par contre, alors, si t'as trouvé... Tu donnes que des indices, hein. Oui. Voilà. Tu dois donner un indice, mais ne donne pas la réponse tout de suite, surtout pas. On essaye de tous trouver. Alors, donc, le film est sorti exactement le 6 février 1985. Un mercredi. Oui. C'est le seul truc que je sais. Mais détrompe-toi, je suis pas sûr qu'il soit sorti tout le temps les mercredis. Je vais me renseigner, mais... Alors, la musique est de Brian Eno. Brian Eno est un producteur de musique réputé qui a travaillé notamment avec Bowie et avec Toto. Et c'est d'ailleurs le groupe Toto qui a aidé à la musique du film. Ah, ouais. Et il y a une couleur musicale Toto dans le film ou Non, pas forcément. Ouais, bon. Pas forcément. Le film est de David Lynch. Ah. Là, ça peut déjà aider. Un réalisateur très connu quand même. Oui. Alors bon, dans les acteurs, je vais vous en donner quelques-uns. Il y a Brad Dourif, Patrick Stewart, Virginia Madsen... Dean Stockwell, Max von Sydow, Kyle MacLachlan et Sting. Sting ? Ah oui. Eh oui, Sting. Ouais. D'accord, qui ne fait pas le rôle principal ? Non, du tout. Mais je pense que tu as déjà trouvé. En fait, Max von Sydow, je me dis... Max von Sydow, oui, mais j'imagine pas dans le genre de film, c'est pas un film d'épouvante. Non, du tout. Ah ouais ? Non, non. Alors, le film a fait quand même 2 322 911 entrées au box-office français. Ah ouais, et a reçu un prix. Donc c'était un Saturn Award des meilleurs costumes. Les Saturn Awards, c'est plus pour la science-fiction. Hein. C'est, ensuite, il a quand même eu 5 nominations, notamment au Saturn, aux Oscars, et un prix Hugo. Donc le prix Hugo, c'était en France. Alors est-ce que c'est un indice ? Est-ce que c'est un rapport ? C'est que l'entrée est facile, c'est la sortie qui est un peu plus compliquée ? Oh là ! C'est un indice comme un autre. Hein. Ouais, entrée facile, sortie compliquée. Entre coquillette, laisse tomber, hein. Non, non, non, ça me dit rien. D'accord. Non, ça me dit rien, mais ça me fait peur par contre. Mais non, mais... Est-ce que par exemple le titre du film, il y a quelques années, on a repris ce titre du film pour un autre type de film, mais on a repris ce titre-là. Non. D'accord. Non, non. Et tu ne me demandes pas à quoi je pense. Pas du tout. Parce que tu penses. J'adore quand tu me poses la question. Allez, vas-y. Tu pensais à quoi ? À la même chose que toi, gros dégueulasse. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, Eddie. Je pensais à un labyrinthe, en fait. Non, c'est pas ça. Alors, je vais vous passer un extrait du film. Écoutez bien. Et maintenant, la prophétie. Quelqu'un répondra à l'appel. C'est par la voix du monde du Dor que viendra la guerre sainte salvatrice, le djihad. Il purifiera l'univers et nous mènera hors des ténèbres. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Est-ce qu'il y a une phrase célèbre qu'on a utilisée dans une musique dance ? Oui. Et la phrase c'est justement... « Oh mon Dieu, c'est plein d'étoiles ». Pas du tout. T'as fumé la route, pas du tout, mais on a utilisé effectivement une... C'est peut-être pas cette phrase-là, mais est-ce qu'il n'y a qu'un seul mot dans le titre ? Oui, il n'y a qu'un seul mot. Ouais, bah ça va. Alors, la phrase qu'on a utilisée se trouve dans cet extrait-là. Écoute. N'ai-je plus de sentiments ? Je ne ressens rien pour personne. La seconde lune. Je parle de bol Atreides. Nous voulons qu'il soit tué. Pourquoi ? Pourquoi veulent-ils que l'on me tue ? Cette lune détient mon avenir. Jamais une goutte de pluie sur Arrakis. Le dormeur doit se réveiller. Ils m'appelleront Muad'Dib. Voilà, donc la musique. Oui, bien sûr, avec Pleasure Game. Pleasure Game a repris avec Philippe Dont, a repris cette phrase-là, bien sûr. C'est ça, effectivement. Donc on va s'écouter Pleasure Game et je reviendrai après parce que je me doute que tu as trouvé le film. J'ai trouvé, évidemment. Et je pense que ça a dû mettre les gens un peu sur la voie. On se retrouve tout de suite après Pleasure Game avec Le Dormeur. Le dormeur doit se réveiller, se réveiller, se réveiller. Le dormeur doit se réveiller, se réveiller, se réveiller. Voici revenu sur RLM 107.9 dans l'émission 120 au compteur. Et là, ce que vous entendez en fond sonore, c'est la musique du film, c'est le thème du film qui a été fait par Brian Eno et le groupe Toto. Donc, qui n'est pas du tout dans le style de Toto, ce qui joue. Alors, donc, je vais vous donner un petit peu le pitch du film. Ça se passe en l'an 10191. On va arriver, hein. Bah, c'est sûr. Donc la substance... Attendez, excusez-moi, parce que j'essaye de me mettre aux nouvelles technologies, vas-y, mais j'y arrive pas, en fait. j'y arrive pas à me mettre aux nouvelles technologies. Alors, donc, la substance la plus importante est l'épice. On ne la trouve que sur une seule planète, Arrakis, connue aussi sous le nom de... Salakis. Non. J'allais le dire. J'ai dit non, je ne le fais pas, je te jure, j'allais le dire. Mais non, là, c'est le titre du film. Poivre. Pas du tout. Ah bah je sais pas. Ah, Dune. Oui. Sous le nom de Dune, la famille Atreides vient à gouverner cette planète, mais son ennemi, les Harkonnen, lui tend un piège dès son arrivée. Paul, le fils du duc Leto Atreides, se réfugie alors dans le désert avec sa mère et y rencontre les Fremen, peuple caché dans le désert attendant l'arrivée d'un messie. Ouf. Ouais, c'est assez perché. Alors, c'est science-fiction, hein, surtout. Oui, ouais, ouais. À mort. Alors, il faut savoir que le film est inspiré des romans du cycle de Dune de Frank Herbert. Voilà. Voilà, c'est pas possible. Non, pas Frank Herbert Léonard. Je sors. Alors, donc, l'idée d'adaptation en film date de 1971 avec le producteur Arthur P. Jacobs qui décédera peu de temps après. Le projet passera entre-temps dans les mains d'un consortium français et par le producteur Dino De Laurentiis qui fera appel à Ridley Scott pour mener à bien ce projet suite au succès du film Alien en 1979. Ce dernier se désistera alors du projet qu'il trouve trop avancé qu'il trouve avancé trop lentement aussi. Ah. Pour réaliser Blade Runner. Le film arrive alors entre les mains de David Lynch, engagé par la fille de Dino De Laurentiis, séduite par son film Elephant Man. Ah ouais. Ah ouais, ça j'ai vu. Alors le film a été un échec commercial, rapportant environ 30 925 000 dollars. J'ai pas mal au box-office en Amérique du Nord pour un budget de 45 millions. Ouais, c'est ça. Ah, ouais. Voilà. Devant l'échec commercial du film, alors c'est vrai qu'il a assez bien fonctionné par contre en Europe. Le film a assez bien fonctionné en Europe. Et grâce à Sting peut-être, non ? Peut-être. J'ai l'impression qu'on l'avait mis en avant. On l'avait mis en avant, oui, Sting, c'est possible, dans ce film. Ouais. Moi j'en garde ce souvenir-là, quoi. Bah, c'est vrai que l'acteur principal, Kyle MacLachlan, était complètement inconnu. Ouais. C'était son premier rôle au cinéma. Et je pense que les bandes-annonces sont retravaillées pour les différents pays. Comme Sting était connu déjà en France, à mon avis, en France et en Belgique, ils ont dû l'utiliser comme ça. Ouais. Alors, donc, devant l'échec commercial du film, Dino De Laurentiis a perdu beaucoup d'argent et a dû ainsi renoncer à d'autres projets, entre autres, à des suites de Conan le Barbare et Conan le Destructeur. Oh, alors, dommage. Normalement, il devait y avoir un troisième film. Alors, il y en a beaucoup qui vont dire oui, il y a Kalidor, mais Kalidor, c'est pas... Mais il y a eu Conan 2 quand même, hein, mais c'est pas lui qui l'a fait. Conan le Destructeur, non, non. Ouais. C'est lui qui l'a produit, mais c'est pas lui qui l'a réalisé. Alors, David Lynch, réalisateur et scénariste du film, a d'ailleurs renié la version pour la télévision. Il exigea donc que son nom soit retiré des crédits du générique et remplacé par le pseudonyme Alan Smithy, réalisateur, et Judas Booth en tant que scénariste. C'est une idée de Lynch, Judas étant l'apôtre qui a trahi Jésus, et Booth étant le nom de famille de l'assassin d'Abraham Lincoln. Il insinuait ainsi que la production avait trahi et tué son film. Ouais, bah. Glenn Close a refusé le rôle de Lady Jessica, donc qui est la mère du héros dans le film, ne voulant pas jouer la fille qui court toujours derrière les hommes. Ouais, elle a fait des liaisons dangereuses après. Ouais, bah, écoute, excuse-moi, mais bon. Je pense qu'il y avait peut-être le cachet aussi qu'il devait faire. Val Kilmer a refusé également le rôle, donc pour Paul Atreides, par contre, là, c'était le rôle principal. David Lynch a été initialement signé pour faire deux suites, basées sur les romans de Frank Herbert, Dune Messiah et Children of Dune. L'échec du box-office a fait en sorte que les plans ne se concrétisent jamais. forcément, ils ont fait échec en fait qu'ils n'ont pas, continué. Et Helena Bonham Carter, donc qui est la femme ou l'ex-femme maintenant, je pense, de Tim Burton, avait été castée à l'origine pour la princesse Irulan, mais les conflits d'horaire avec Chambre avec vue, donc qui est sorti également en 85, l'ont forcée à quitter le film. John Hurt, qui faisait Elephant Man, oui, dans le film de David très Lynch, bon acteur, d'ailleurs, s'était vu offrir le rôle du docteur Yue, qui est joué par Dean Stockwell dedans, qu'on peut retrouver dans la série Code Quantum. Oui. C'est oui. L'ami du héros. Oui. Ouais. Et enfin, donc, une partie du dialogue du film a donc été reprise dans la chanson Le Dormeur du groupe Pleasure Game, qu'on a entendu à l'instant. Un groupe qui nous vient de Waterloo, d'ailleurs. Hein. Oui. Toutes les origines viennent de Waterloo, et ça fait plaisir, tiens, de réécouter Pleasure Game. Oui, c'était sympa. Ça marchait bien à l'époque. Hein. Et d'ailleurs, Mélanie me disait que là-dessus, tu bougeais, Your party. Voilà, moi, ça me faisait penser à l'époque de Disque qu'on aime. Eh ouais, non, mais carrément. Oui. Mais dis-moi, ce film, tu l'as vu ? Non. Véro ? Non. Non plus ? Bon, bah, est-ce que j'ai besoin de poser la question ? Ah non, moi j'ai pas vu. D'accord. Bah, moi non plus. C'est vraiment juste. Tu l'as pas vu ? Non. T'es sérieux ? Ah, bah non, rare, j'ai pas toi. Vu. Non. Bah non, j'ai pas vu, mais Canon est un féru de Dune. S'il avait été là, il en aurait parlé des heures et des heures, effectivement. On l'aurait coupé. Ouais, on l'aurait coupé. Oui. C'est vrai qu'il aurait pu en parler des heures, j'aurais coupé le micro après. Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est que on va faire une petite coupure musicale. Oui. Et on va revenir évidemment sur l'association, donc un rêve, une étoile, et tout est possible, puisqu'en fait, il y a un single aussi qui est sorti, qui est en vente depuis quelques mois. Et on va reparler avec Véronique, hein, qui est la présidente donc de l'association, et puis aussi on va en parler aussi avec Mélanie, alors qui n'a pas participé à l'enregistrement, et elle a intérêt de nous donner une bonne excuse. Mmh. Enfin, juste après cette coupure musicale. Kyo et Sita avec Le Chemin. Ouais. Regarde-toi assise dans l'ombre, à la lueur de nos mensonges, les mains glacées jusqu'à l'ongle. Regarde-toi à l'autre pôle, fermez les yeux sur ce qui nous ronge. On a changé à la longue. On a parcouru le chemin, on a tenu la distance, et je te hais de tout mon corps, mais je t'adore. On a parcouru le chemin, on a souffert en silence, et je te hais de tout mon corps, et je t'adore encore. Je vis dans une maison de verre, en moitié remplie de ton eau, le fantôme qui s'égare, je suis l'étranger à ton cœur, c'est mon regard comme on est seul. On a parcouru le chemin, on a tenu la distance, et je te hais de tout mon corps, mais je t'adore. On a parcouru le chemin, on a souffert en silence, et je te hais. La musique que vous aimez, c'est sur RLM. RLM. J'adore cette jingle. Alors je sais pas comment Arnaud fait pour trafiquer cette jingle, mais avec le... Il le fait peut-être à la bouche en fait. Qui ah, peut-être, peut-être. Alors Arnaud, que vous pouvez retrouver tous les matins dans les matinales de RLM, donc de 7h-10h. 7h-10h, il vous parle de tout. Vous avez pas mal de choses à gagner aussi. Il fait gagner pas mal de trucs. Et bah d'ailleurs, il nous a proposé de faire gagner 4 places, donc 2 fois 2 places, oui. Pour Cody. Cody, donc c'est un humoriste qui passe dimanche soir au Marius Taquet. Ouais. Ce sera pour la séance de 20h, parce qu'il y a deux séances pour son spectacle. Ouais. Là, ce sera pour la séance de 20h. Vous nous appelez donc au 056 34 11 81 ou 00 32 56 34 11 81 depuis la France. Et les premiers qui nous appellent gagnent 2 places pour aller voir Cody, donc dimanche soir au Marius Taquet. Ok, t'en bouges pas, j'appelle. Non, t'as pas le droit de jouer. Ouais, mais c'est pas juste, non plus j'avais joué. Ouais, c'est vrai que c'est pas juste, on est mal reçu nous quand même ici. Hein. Ouais, ouais. Bon, mais en tout cas, j'espère qu'on reçoit bien l'association Un rêve, une étoile et tout est possible. Yeah. Puisque nous sommes avec Véro, la présidente. Et puis nous sommes également avec Mélanie Bonfito qui va faire partie d'ailleurs du spectacle Rêve de musique qui aura lieu donc le 12 mai à partir de 19h à la Grange à Moucron. Donc si vous voulez plus d'informations, réservations, donc il y a un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone c'est le... Alors le 0497 89 85 24. Voilà, ou précédé du 0032 si vous nous appelez de la France. Voilà, il y a également donc la page Un rêve, une étoile sur Facebook. Sur là Facebook. Vous avez toutes les infos. Ouais. On a partagé l'événement aussi sur notre page donc de l'émission RLM, donc 120 au compteur. Eh bien, effectivement, reparlons d'une chose, parce qu'on en avait parlé quand on s'était vu dans une vie antérieure. On avait parlé donc d'un single qui était sorti, Véro. Oui, tout à fait. T'as l'air d'être mort de rire. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe? On peut savoir. Non, c'est pas grave. on a fait un single, en fait, on voulait avoir un petit peu un genre d'hymne, entre guillemets. Oui. Un peu dans la veine. Plus près du micro, s'il te plaît. Un peu dans la veine des Restos du Cœur, sans pour ça... Voilà, on est très loin de là. Mais on a voulu un peu faire ça avec un collectif d'artistes, de chanteurs. Il a un nom particulier le collectif ou pas? Alors c'est le collectif Un rêve, une étoile et tout est possible. Oh, c'est pas mal. Ouais. C'est original. Et voilà, bah oui, on tombe, voilà. Et le titre, Un rêve, une étoile. C'est tout. Voilà. Donc il fallait trouver un compositeur, un auteur qui veuille bien nous faire une chanson. Là on a eu Eric Salucci et Frédéric Dampierre qui ont dit bingo, nous on fait un truc sur mesure. Il y a eu un bel élan de solidarité. Et tous là, les droits ont été reversés. Enfin, tous les droits sont reversés pour l'association. Et donc, y a plein de chanteurs qui participent. Et on voulait faire un peu participer un peu tous les univers musicaux. On a entre autres un jeune autiste, Poblom Olivier, qui a chanté avec Fabrizio il n'y a pas très longtemps. Et qui met sa voix sur le single. On a des chanteurs de gospel. On a des chanteurs... On a Marjorie Lemulier. Ah bah bien sûr. On a Topi Marjo. On a... Oui, filet gros bisous d'ailleurs. Fabrizio. On a une chanteuse de gospel black, enfin, américaine. On a un chanteur de rock. Donc c'est vraiment des univers totalement. Voilà. Et avec tout ça, il a fallu composer la chanson. Pour le rocker, c'était pas évident parce que quand vous entendrez le titre, vous verrez que c'est vraiment pas rock du tout. Et assuré... Franchement, super bien. Et on a été étonnés. Et un grand coup de chapeau, en tout cas, pour le travail de Fabrizio, parce que c'est lui qui a géré ça avec l'ingé son en studio. Et c'était pas facile parce qu'il fallait faire des coupures, reprendre des coupures. Je vous avoue qu'à la fin de la journée, la chanson, on ne pouvait plus l'écouter. Eh ben écoute, voilà. On va se l'écouter tout de suite. Alors oui, alors rappelons aussi qu'il y a aussi Fantine qui est là. Il y a Fantine Arduin. Ah, c'est voilà. J'ai oublié. Voilà Fantine, Fabien Le Castel, ce qui est quand même assez original parce que c'est à la base un humoriste imitateur. Fabien Le Castel qui nous a fait très rire en studio d'ailleurs parce que pas étonné. Le jour de l'enregistrement, il nous a fait Pani. Il dit si vous voulez, je peux vous faire Pani, je peux vous mettre Garou, je peux vous mettre plein de personnes dedans. Je dis non, peut-être pas. Je peux vous faire Christophe May, il le fait excellemment. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que toutes les personnes ont tous signé un contrat. Ils ne veulent aucun centime. C'est beau quand même, franchement. Alors, il y a des chanteurs plus connus, des chanteurs moins connus, mais Bon, après, quand on voit Fantine, quand on voit Fabian, qui ont quand même déjà une certaine notoriété, pas que je rabaisse les autres, hein, que du contraire, au contraire. Mais ces gens-là qui te disent, avec leur cœur, ben moi, je le fais, c'est pour vous, je veux rien. Ben, moi, je chapeau, chapeau. Ouais, voilà. Absolument. Alors, on regrette, mais c'était pour des raisons de planning. Mais... Mélanie n'est pas sur, sur l'enregistrement, mais... Bon, mais le cœur y est. Ça sera pour la prochaine fois. Alors, on va l'écouter. Donc, Un rêve, une étoile, c'est le single qu'on peut retrouver un peu partout, d'ailleurs. Oui, il y a plein de encore de nouveau sur la page de Facebook. Il y a les points de vente. Ouais, c'est ça. J'ai plein de commerçants à Moucron, parce que les commerçants de Moucron, franchement, aussi, il faut leur tirer notre chapeau, parce que... Enfin, la solidarité, elle s'est organisée autour de nous, un truc de fou. On a de plus en plus de sponsors, on a de plus en plus de gens qui nous suivent et qui nous aident et qui prennent nos CD pour vendre. Voilà. Donc, un grand coup de chapeau, parce que c'est vrai que c'est pas facile pour tout le monde à l'heure actuelle, avec c'est vrai que vu le contexte, et de donner de leur cœur, parce que bon, bah, même c'est des gens qui vont nous aider dans nos événements, en sponsorisant les événements. Vu maintenant les conditions qu'on a, c'est dur pour tout le monde, aussi bien que c'est commerçant ou voilà. Et faire ça, ben moi je trouve chapeau pour les commerçants de Moucron, quoi, aussi faut. Oui, faut aussi la remercier de temps en temps. Est-ce qu'on le retrouve chez toi, Nissa? On le retrouve pas chez toi? Le CD, non, mais à chaque fois on met les affiches, on relaie l'information. Oui, oui, d'accord. Eh ben écoutons. Allez. Ça, Un rêve, une étoile, du collectif Un rêve, une étoile, pour l'association Un rêve, une étoile, et tout est possible. Allez, c'est parti. Nul ne connaît son vrai chemin, ni même ne sait s'il sera sien. Il suffit de peu parfois pour changer ce monde-là. Une force solidaire, un espoir, telle une lumière. Il y a besoin de peu de paroles, de peu de sourires qui consolent. Chaque seconde intensément, casser le mur qui sépare, qui sépare. Garder l'effet du hasard. Au fond leur rêve, au fond leur une étoile. Apprendre comme un bonheur, comme un soleil qui brille. Quand le courage devient visible, et dès qu'il est dans le besoin, sans pour autant n'attendre rien, faire oublier l'exclusion, exister en sensation. Une belle chance à conserver. offrons-leur un rêve, une étoile, comme un soleil qui brille. Dernière sur la fréquence, premier sur le hit, RLM, 107.9 FM. Ça fait pas mal, j'aime bien comme intro. Avec encore une fois une intro, donc un rêve, une étoile. Alors effectivement, il y a 11 artistes qui se sont produits. J'ai oublié. Donc voilà, je pour oublier personne, je vais les citer. Donc il y a Vincent Poteau, qui est une chanteuse qui est connue dans la région et même au-delà de la région, qui chante surtout du Edith Piaf. Oui, qu'on avait reçu, je pense, dans une émission antérieure. On a Marjorie de Mully, on l'a Notre courageuse. Voilà. Donc gros bisous, si elle est à l'antenne, sûrement que oui. Enfin, ça l'écoute, pardon. Donc Fabrizio, ben tout le monde connaît. On l'embrasse aussi. On l'embrasse aussi. Oui. Gros bisous. Ouais, enfin, parle pour toi, alors. Donc on a Cédric Ped, donc qui est un chanteur de rock, lui on l'entend. Ouais. On a Gaëtan Lopez, qui est un chanteur qui est connu surtout dans le nord de la France. Fabien Lecastel, Martine Ardouin, on ne présente plus. Alors il y a Marilyn, qui est une chanteuse de gospel. Et excusez-moi pour la prononciation. Funky Unigwe, ouais. Chanteuse de gospel aussi. Black américaine et Julie Hublot. Voilà, je crois que j'ai fait le tour et j'ai oublié personne. J'ai oublié quelqu'un, excusez-moi, mais je ne pense pas que j'ai oublié quelqu'un. Belle équipe quand même. Oui, le résultat est trop top, c'est fou. Et d'ailleurs, vous aurez l'occasion donc de retrouver, entre autres, Fabrizio Zeva, avec Mélanie Bonfito, Bruno Djaran. Et Miss Moucron. Pardon ? Et Miss Moucron. Et Miss Moucron, même elle va pas chanter Miss Moucron. Non. Mais il y aura la présence de Miss Moucron. Ah, pourtant elle chante bien, attention. Évidemment. Jasmine, elle chante très bien et elle danse très bien. J'ai fait du spectacle avec elle. Attends, c'est bon ça, moi. Si, elle chante très bien, Jasmine. Elle est professeure de danse. Donc il y aura Jasmine qui sera en première partie donc de Mélanie Bonfito, de Bruno Djaran et de Fabrizio Zeva, c'est ça, hein? Ah non. C'est une problématique avec Christophe. Ça va pas, là. Elle a d'autres obligations. En tout cas, la soirée, donc ça s'intitule Rêve de musique, c'est le 12 mai 2018, donc à partir de 19h, donc salle Lagrange à Moucron. Si vous voulez plus d'informations, alors vous allez sur la page Facebook de Fabrizio, alors forcément vous aurez l'info. Sur la page de Mélanie, il y a une page Facebook, mais un site tout internet. À fait, oui. Il y a un fan club de Mélanie Bonfito avec quelques membres déjà. Oui. Et là vous avez à chaque fois toutes les affiches du mois. Est-ce que tu as un site internet ou c'est juste une page Facebook? C'est une page Facebook. D'accord. Sponsorisée de temps en temps, mais c'est une page Facebook. D'accord. Donc c'est Mélanie Bonfito, si vous ne savez pas l'écrire, eh ben tant pis. Allez voir. Ah ouais, ouais, venez la voir chez nous déjà. Bien sûr. Mais allez sur YouTube, allez la voir sur sa page. Elle chante super bien et c'est une fille adorable. Voilà, absolument. Et d'ailleurs, on va avoir l'occasion d'écouter maintenant une autre interprétation de Mélanie. D'Aznavour, mais plutôt version. Voilà, c'est une de Charles Aznavour, oui, c'est Mourir d'aimer, mais revisité par Lisa Angel. D'accord, alors Lisa Angel, ça me parle parce que c'est... Lisa Angel, quelle origine? Elle est française, mais elle vient du Canada. Ouais. Lisa Angel, c'est celle qui a chanté à l'Eurovision, je pense. Oui, pour la France. C'est ça, l'année juste avant Amir. C'est ça, oui, tout à fait. D'accord. Et c'est ça que ça me parlait aussi. Comme oui, c'est ça. Et elle a travaillé avec les Années Bonheur, Patrick Sébastien. Ah oui, ah, d'accord. Oui, c'est ça, là. Okay. D'accord. Ouais. D'accord. Donc, je lui fais un petit coucou, d'ailleurs. Génial. C'est que de l'amour. Écoute l'amour. Bon. Alors, allez, donc on sait qu'on a donc nous arracher le slip. Ouais, bon, on va éviter par contre. Tu vas aller faire les sardines des petits bonhommes en bouche après. On va faire Mourir d'aimer quand même. Donc préfère, de Mélanie Bonfito version Lisa Angel. Enfin non, version Mélanie Bonfito, mais c'est en fait la version de. Enfin bref, écoute. Voilà. Ça sera plus simple, ouais. Oh non. Oh là là. Les parois de ma vie s'enlisent. Je m'y accroche, mais je glisse lentement vers ma destinée. Mourir d'aimer. Le monde me juge, je ne vois pour moi qu'un refuge, tout tissu m'est longtemps condamné. Mourir d'aimer. Sa vie, péché contre le corps, mais non contre l'esprit. Laissons le monde à ses problèmes, les gens haineux face à eux-mêmes, avec leurs petites idées, mourir d'aimer. L'amour ne peut vivre, mieux vaut en refermer le livre, et plutôt que de le brûler, mourir n'aimer, partir en redressant la tête, sortir vainqueur d'une défaite, renverser toutes les que vous aimez, c'est sur RLM. RLM. Alors, Mourir d'aimer de Mélanie Bonfito. Alors, les arrangements ont été faits de qui? Parce que c'est pas les arrangements originaux, si? C'est les Angels, hein. C'est vraiment ça. Ah ouais, ça, donc c'est le ça. Côté un peu salsa, un voilà, peu... C'est ça. Ah, c'est beau, moi j'aime bien, ouais. Ah ouais, franchement, j'ai bien aimé. Moi. Est-ce que tu vas l'interpréter, justement, lors du spectacle Rêve de musique? Je vais pas te le cacher, Harry, c'est une chanson que je ne fais plus. Pourquoi? Parce qu'en général, je fais une heure de spectacle. Oui. Et comme je fais énormément de disco, parce que j'aime voir les gens danser, je fais quelques musiques en slow, mais qui est plus, comment t'expliquer, un peu comme Bruna Giraldi, un peu Corinne Hermès. Tu sais, je vais te chercher des chansons qui sont un peu plus des années 80, mais comment t'expliquer? J'aime les chansons qui ont été gagnées par l'Eurovision, en fait. Ouais. C'est, je me suis pas... Donc tu chantes l'enfant et l'oiseau alors? Non, peut-être pas celle-là. Ah, eh ben écoute, tu devrais recommencer à chanter cette chanson parce qu'on a, on a quelqu'un sur Facebook, Marie-Claire, qui dit « J'adore cette chanson, merci, j'adore cette chanson chantée par Mélanie Bonfito. » Ah, l'enfant et l'oiseau? C'est la chanson Mourir d'aimer, certainement. La chanson Mourir d'aimer qu'on vient d'entendre. Je lui fais un gros bisou à Marie-Claire d'ailleurs. Voilà, elle est jolie. Marie-Claire, oui. Ah ouais, bah nous elle a un cœur énorme. Elle a un cœur énorme. C'est pas possible. Eh hey, bah, y en a d'autres, hein, j'aime la vie. Bah tiens, Sandra Kim. Sandra Kim, mais moi j'étais fan de Sandra Kim. Mais ça bouge ça, hein. Ah oui, j'aime la vie. Ça. Tu la chantes? Non, je la chante pas. D'accord, elle a un coup de vieux quand même. Mais dis, honnête. Tu crois que t'as rajeuni toi peut-être? Non mais attends, mais non. Mais c'est pour ça que tu fais de la radio d'ailleurs. Hein. Non. Bah oui, c'est vrai qu'on a des physiques de radio. On a des physiques de radio. Et par les bons garçons. Mais ceci dit, rappelons que Mélanie Bonfito et puis donc Bruno Djaran et également Fabrizio Zeva seront sur scène pour un événement qu'il faut absolument pas le louper, qui est organisé et qui est surtout au profit donc de l'association Un Rêve, Une Étoile et Tout est Possible. Donc ça se passe le 12 mai 2018, donc dès 19h à la salle de la Grange, donc à Moucron, c'est à deux pas d'ici. Donc c'est un repas spectacle. Alors c'est pour les adultes, c'est 25 euros, hein, donc à avec buffet campagnard, les crudités, dessert ou café. Et 12 euros donc pour les moins de 12 ans. Si vous voulez souhaiter participer au spectacle, rien qu'au spectacle, bah, c'est 15 euros. Et sincèrement, quand je vois les prix, bah, profitez aussi du repas, quoi, ce serait dommage. Ouais. Moi j'ai une question, on peut danser là ou alors Oui, il y a de la place pour danser. On peut mettre en maximum 200 personnes. Alors il faut savoir que le 17, c'était un peu... le 17 décembre, c'était un peu juste la piste de danse, parce que c'était presque... Bah, on poussera les temps. Ah, bah, oui. Donc nous, on espère pour l'assaut que ça soit plein. Bien sûr. Mais ça moins de gens qui dansent alors. Oui, il y a toujours la moyen de danser. Bon, on va pousser les tables. Mais si, je me rappelle, il y a un grand couloir d'entrée, tu sais. Tu pourras l'entendre dès l'entrée. Tu pourras danser dans le couloir d'entrée. Mais moi, bah écoute, si vous voulez danser, moi ce que je vous propose, et comme on a des physiques de radio en plus, c'est de s'écouter tout de suite, c'est LMFAO avec le titre Sexy and I Know It. Et yes. Don't forget, you have to yes, to just, parle about just after, to talk just about after the, oh the mon song. Dieu, déjà en français c'est de Catum alors là. Oui, parce qu'on te retrouve juste après pour les sorties Cinoche. C'est ça, oui, effectivement. Allez, à tout allez. When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. I pimp to the beat, walking down the street and my new freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. It's Red Bull with the big ass frog, and like Bruce Lee, I got the clout, yeah. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out when I walk in the spot. Yeah, this is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it, show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. Speedo trying to tear my cheeks. This is how I roll. Come on ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Watch. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out when I walk in the spot. This is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it, show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Check it out. Check it out. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah, yeah. Do the wiggle, man. A little wiggle, man. Yeah. I'm sexy and I know it. Hey. Yeah. Sur les hits RLM 107.9 FM. Et oui, et donc on est toujours dans l'émission 120 au compteur sur RLM 107.9 FM. Et donc je vais vous parler des sorties ciné donc pour la Belgique, ouais, et pour la France pour demain. Et je vais commencer avec le film donc qui sort en Belgique et en France demain. qui s'appelle Mika et Sébastien, l'aventure de la pêche géante. C'est un film d'animation, alors avec dans les voix françaises Mathieu Buscato et Andrea Santamaria. C'est un film de Jorgen Lerdam. Et donc ça se passe à Solby, petit port paisible. La vie est douce pour Mika et Sébastien. Donc jusqu'au jour où ils trouvent une bouteille à la mer. À l'intérieur, une petite graine et un message mystérieux. Aurait-il été envoyé par JB, leur ami disparu depuis un an? À peine ont-ils planté la graine que les voilà embarqués dans une aventure extraordinaire, faite de monstres marins, de pirates et abominables. De pirates abominables, pardon, et de poires géantes. De poires ? Oui, de poires géantes. Et c'est quoi, c'est pas avec un quoi, une citrouille, un melon, qu'est-ce que c'est ? Non, c'est une poire. Ça me rappelle le film dont tu nous as parlé il y a deux semaines, on n'avait rien compris du tout. Next. Non, c'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué, tu nous parles de poires, de... Bah oui, bah écoute, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui fais les scénarios non plus. On dirait plus pour Oasis, en fait, ton dessin animé. C'est peut-être ça, d'ailleurs. C'est peut-être une pub masquée. Alors, donc, ensuite, je vais vous parler du film Comme des garçons, donc ça sort également en Belgique et en France demain. C'est avec Max Boublil, Vanessa Guide et Bruno Locher. C'est un film de Julien Allard, ça se passe à Reims en 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré et journaliste sportif au quotidien Le Champenois, décide d'organiser un match de football féminin pour défier son directeur lors de la kermesse annuelle du journal. Sa meilleure ennemie, Emmanuel Bruno, secrétaire de direction, se retrouve obligé de l'assister. Sans le savoir, ils vont se lancer ensemble dans la création de la première équipe féminine de football de France. Ça doit être pas mal. Déjà, donc ça, c'est on voit les féminines forcément, tout de suite, c'est romancé. Ah, bah. Forcément, c'est romancé, mais c'est tiré quand même d'un fait réel. Ah. Alors, je vais vous parler maintenant du film Amoureux de ma femme. C'est avec Daniel Auteuil et deux Daniel Auteuil. C'est un film aussi également avec Gérard Depardieu et Sandrine Kiberlin. Et ça sort le 2 mai en France, donc profitez-en, il sort une semaine avant ici. Donc Daniel est très amoureux de sa femme, mais il a beaucoup d'imagination et un meilleur ami parfois encombrant. Lorsque celui-ci insiste pour dîner entre couples, afin de lui présenter sa toute nouvelle et très belle amie, Daniel se retrouve coincé entre son épouse qui le connaît par cœur et des rêves qui le surprennent lui-même. Donc une comédie française. Alors je sais pas si c'est le premier film de Daniel Auteuil par contre. Non, il en a fait d'autres à la Pagnole et tout ça. Il en avait réalisé, bien sûr. Oui, exact. Non, c'est pas son premier. Hein. Il avait fait Marius, je pense. Et le château de mon père ou la gloire de mon père. Ou je sais pas quoi. Jeune fille du puits. La fille du puisatier. Du puisatier, voilà. La fille du puisatier. Ouais, c'est la même chose. Il a raccourci, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, l'idée était là, quoi. Ouais, bah, oui. Et donc, je vais finir avec le blockbuster qui sort donc demain en Belgique et en France. C'est Avengers Infinity Wars avec Chris Hemsworth, Chris Pratt, Scarlett Johansson, Chris Evans, j'en passe et les meilleurs parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un film de Joe et Anthony Russo. Et donc, c'est les Avengers et leurs alliés qui devront être prêts à tout sacrifier pour neutraliser le redoutable Thanos avant que son attaque éclair ne conduise à la destruction complète de l'univers. Yeah. Je sais que Harry, ça me saoule du tout. Ça me saoule, c'est une énième version des Marvel ou je sais pas quoi. Là. Ah oui, c'est les Marvel, c'est bah ouais, ouais, mais alors là, ça alors fait le 15ème on va retrouver les Avengers, les Gardiens de la Galaxie. Ah, ça me plaît, ouais. Ah oui, bah oui, forcément. Ouais. Ah, tu vois Non mais les gars, avec il y aura Groot. Il y aura Groot, oui. Ah, s'il y a Groot, oui, c'est bien. Oui, mais moi aussi, je suis fan de Groot. Je m'appelle Groot. C'est que je s'appelle Groot. Oui, et c'est Vin Diesel qui double Groot dans la version. Bah, au niveau des dialogues, il n'y a pas dû se fouler. Hein. C'est sûr, il dit juste que je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Non, alors, détrompe-toi, il a dû le répéter plus de 1000 fois parce qu'il l'a fait en américain, il l'a fait également en chinois, en français, en italien. Il l'a fait dans vraiment plein de langues. Là par contre je sais pas, mais peut-être que on peut trouver ça sur internet. Oui, ouais. Mais Le truc, c'est que oui, effectivement, dans tous les Marvel, il y a une trame principale, donc de chaque film, mais derrière, il y a toujours une histoire qui les relie tous, c'est les pierres d'infinité, donc qui sont recherchées par Thanos, qui est le grand méchant de ce film, qui est aussi le grand méchant dans Les Gardiens de la Galaxie, et donc là, lui, il veut détruire complètement l'univers, et donc là, eux vont tous s'allier pour combattre Thanos. Et d'ailleurs, c'est un film qui est sorti déjà en France et qui est en 4D là, enfin la nouvelle mode là. Oui, alors il est sorti en avant-première en France. Ce soir là déjà, il y est au Kinépolis où on est dans des sièges qui bougent dans tous les sens, c'est ça, on reçoit de l'eau, du souffle, l'odeur, enfin j'en sais rien, mais faudra qu'on m'explique un jour, quelqu'un l'a déjà fait ou pas. J'ai pas trop envie de sentir la laine de Hulk. Hein. Ouais, c'est ça. Je sais pas, mais c'est de la 4D maintenant. Enfin, j'ai pas 4DX, c'est ça. Non, 4... ouais, mais si, moi c'est j'ai, ça, voilà, j'ai eu un truc comme ça au Futuroscope. Ouais, mais là c'est au cinéma carrément, quoi. Tu vas au cinéma, tu vas voir un film. Ça doit être prenant quand tu vas, parce que déjà là c'était court. Non, mais pendant 2 heures, t'imagines un peu. Ouais, c'est ça, ça doit être space quand même. Hein, bah, deux heures, tu dois en avoir marre, non. Faut pas avoir mangé un burger avant, si ça se couvre beaucoup. Bah, je sais pas, et c'est surtout si c'est en siège du haut, je sais pas comment ça se passe. Ça va tout seul. À mon avis, ils doivent retrouver pas mal de popcorn à terre quand même. Et pas que, hein. Clair. J'ai parlé que du popcorn. Hein. D'accord. Donc voilà. C'était le dernier ? Oui, c'était le dernier. Ouais. Ok, alors on va faire un tour de table. On va commencer par Mélanie, hein. Mélanie Bonfito, qui est avec nous. Et je rappelle qu'il se produira donc le 12 mai à la salle de la Grange, dans le cadre donc du spectacle Rêve de musique organisé par l'association. Donc un rêve, une étoile et tout est possible. Je prends ton souffle. Alors, Mélanie, t'irais voir quoi ? Tu peux répéter ? Alors, Mélanie, qu'on va retrouver dans un spectacle. tu irais voir quoi ? Je sais pas. D'accord. Bon. Non, je sais pas. Elle a trop d'actualité pour aller voir aussi. Pas le temps, peut-être aussi. Je saurais pas te dire il y a combien de temps que j'ai pu regarder un film, sincèrement. Ah oui, d'accord. Bon. Ça arrive. Je me sens moins seule tout d'un coup. Pour le moment, Bah oui, Onissa par exemple, c'est la grande vadrouille la dernière fois qu'elle est allée au cinéma. Oh, j'ai pas vu. Non, je l'ai pas vu non plus. D'accord. Par contre, moi j'irai voir Avenger. Ah ouais, d'accord. Ah ok, Avenger. Véro ? Moi avec Max Boulby, je vois. Ah oui, donc il y a déjà de le titre. Alors c'est Comme des garçons. Ouais. Comme des garçons, oui, avec la fameuse équipe de football féminin. Et toi, Harry, t'irais voir quoi ? Rien. Oh, on va pas aller à deux alors. Non, bah non. Mais j'ai en 4D, t'imagines comment ça va bouger. Wouhou ! Non, mais j'irai pas avec toi, Nissa, parce que moi j'ai envie de voir. Ah ouais, ah ouais, non, je sais pas. Si, moi, avec les la télé, ça suffira, je pense. Comme ça, tu peux m'endormir. Non, mais ça doit être top quand même. Ouais, peut-être. Non, bah écoute, là pour le coup, je sais pas trop. Eh bien, écoute, ce qu'on va faire, on va se faire une petite coupure musicale. Oui, et on se retrouvera pour dire au revoir à tout le monde, en fait. Ouais. Eh ben, ça marche. Eh ben, on va se retrouver juste après Amir avec Au cœur de moi. Un jour je suis prédateur, un jour je suis la proie. Un jour j'ai chaud au cœur, un jour j'ai tellement froid. Parfois je ne vois plus clair, le miroir me déforme. Je me lève sans lumière et mes rêves s'endorment. Qui fait son cinéma. Un jour c'est le destin qui tient la caméra. Mon esprit solitaire se perd au fond des bois. Je vois le monde à l'envers, mes rêves sont à l'étroit. Plonge au cœur de moi, au fond de mes racines. De mes racines où personne ne va. Sur ma peau, les mots que je n'ose pas. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, 120 au compteur, dernière ligne droite évidemment, oui, puisque le temps passe très très vite, et d'autant plus que nous sommes accompagnés de deux charmantes dames. Nous sommes avec Mélanie Bonfito et Véronique, qui est la présidente donc de l'association Un Rêve, Une Étoile et Tout est Possible, et tous les gens qui nous accompagnent bien évidemment, qui sont là, hein, parce que il y a Béa qui est aussi également, il y a aussi le garde du corps de Mélanie qui est là aussi. Il se prénomme Michael. Voilà, une autre auditrice aussi, qui est une Jocelyne. Voilà, donc qui est aussi, qui fait partie de l'association, parce qu'il faut rappeler une chose, c'est que l'association, c'est il y a du monde hein, derrière tout ça, et qui œuvre. Bah oui, bah il faut, parce qu'on peut pas baisser les bras, quoi. Il faut. Bien sûr, bien sûr. Il y a combien de personnes aujourd'hui dans l'association? On a pour beaucoup de bénévoles, en membres pas tellement encore. Ça commence, parce que maintenant bon, bah, on fait de plus en plus d'événements, donc ça commence à être en plus connu. Maintenant on commence à avoir une belle équipe de bénévoles. Le 17 c'était voilà, on dit bien. D'accord. C'est chouette. Ça. Alors, combien de personnes, voilà, ça dépend des événements. Il y a des événements, on a besoin de beaucoup de bénévoles. Par contre, parle bien dans le micro parce que c'est bien parce qu'elle est très volubile. Par contre, elle est toujours en train de bouger. Oui, c'est une horreur. Hein. Moi, je suis aussi très calme comme fille. C'est cela, oui. Et moi, je suis Michael Jackson. Voilà. Et donc, sinon, non, on peut toujours compter sur les bénévoles, ça qui est bien. Et selon les événements, mais ici, à mon avis, on va en avoir besoin pas mal. D'accord. Alors moi, je vais demander à Mélanie, hein, Bonfito, qui fait partie donc de la distribution pour le spectacle de rêve de musique, oui, de nous faire la promo. Tiens, dis donc. Nous donner envie donc d'y aller le 12 mai. Mais tu dirais quoi ? Il faut venir parce que ce sera un super spectacle, hein, qui sera donné avec âme déjà, avec un partage, ça j'en suis sûre parce que je connais mes collègues, moi je les appelle, ce sont des collègues artistes. Alors rappelle un peu. Ce sera donc Bruno Djaran, Fabrice Joseva et moi-même, donc Mélanie Bonfito, n'est-ce pas ? Et vous allez voir, vous allez passer un moment d'enfer, ça j'en suis sûre. Ça commence à 19h. Et ça se passe à la salle Lagrange. Ouais, alors qui est pas très loin. Hein. C'est pas très loin d'ailleurs des studios. C'est près de la prairie en fait. Voilà, près de la prairie. Donc à partir de 19h, le tarif, on peut le rappeler. Oui, c'est 25€ pour les adultes. Donc avec le repas. Avec alors, un buffet campagnard, voilà. Crudité, enfin, etc. Et 12€ pour les moins de 12 ans. Voilà, si vous voulez assister donc au spectacle seul, donc c'est 15€. Et dans ces cas-là, effectivement, si par aventure ils voulaient participer au spectacle, ils arrivent à quelle heure? Pas à 19h. Non, alors le spectacle, normalement, on compte commencer vers 20h30. Ouais, en général, c'est toujours après leur repas quand même. Oui, c'est ça. Après ça, des fois il y a des repas spectacles où ils servent en même temps que les chanteurs chantent. Mais moi j'estime que c'est un manque de respect pour les chanteurs. Bien sûr. Parce que même si les gens sont respectueux, ils mangent, donc ils font du bruit. Donc les personnes qui chantent, ben, ça les déstabilise un peu. Bien sûr. Donc nous on aime bien. Ou alors ils devraient chanter en même temps, manger en même temps qu'ils chantent. Donc on préfère soit de faire leur repas avant et puis après les chanteurs. Bien sûr. Comme ça, tout le monde est tranquille. Bien sûr. Rappelons donc les coordonnées donc de l'association. Si on veut retrouver donc les coordonnées de l'association, donc Un Rêve, Une Étoile et Tout est Possible, il y a internet. Oui. La page Facebook. La page Facebook. Ouais. Donc Un Rêve, Une Étoile. Vous allez y arriver. Voilà, il n'y a pas de site internet? Si, j'ai un site internet, on a un site internet, donc c'est Un Rêve, Une Étoile, mon site. Ouais. Voilà, bon, on fera un lien de toute façon, effectivement, de toute façon, sur la site. Page de Facebook, vous avez tout le site, enfin, Instagram. Et c'est noté, vous avez aussi donc Mélanie Bonfito, vous allez aussi sur Facebook et vous verrez, il y a pas mal de vidéos et ça vous donnera un avant-goût pour cette soirée donc du 12 mai qui aura lieu donc à la salle de Lagrange. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Bruno Djaran, allez aussi voir sur YouTube. Et Bruno Djaran, c'est noté. Eh bien, on va remercier toute l'équipe, on vous remercie d'être venu. Merci à vous. Ça nous a fait plaisir de découvrir Mélanie. Alors, on connaissait déjà Véro, mais ça nous fait toujours plaisir de te revoir. Merci. On remercie Onissa pour cette super chronique ce soir. Ah, mais c'est pas fait chronique, moi. Voilà, c'est pour ça qu'on te remercie. Pour sa présence. Bien sûr, on l'adore. Et mon sourire. Et son sourire. Et ton sourire, c'est ça, absolument. On remercie Sherlock. Mais oui, merci à toi aussi. Moi j'ai pas fait grand chose. Hein. C'est vrai. Merci pour le rétrociné et pour le coup 80. Là on peut dire 80. Oui, c'est vrai, oui, c'était un film de 1982. Rétrociné 80. Cinq. Nous avoir donné envie d'aller au Cinoche. Nous on se retrouve donc la semaine prochaine. Et cette fois-ci on sera avec Didi Stéphache. Oui. Pour le Défi Mix. Le Défi Mix. Donc surtout ne quittez pas l'antenne, puisque on émet 24h sur 24. Le meilleur de la musique des années 80 jusqu'à 2000. C'est RLM, donc n'hésitez pas à rester sur l'écoute de l'antenne 107.9. On va se quitter là-dessus. Allez portez-vous bien et bonne semaine. Allez, ciao.